19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Notre histoire est un long filum. Vouloir en comprendre le cheminement nécessite d'en percevoir la généalogie, la parenté de nombreuses espèces à tout jamais éteintes, comme de regarder à côté de nous nos cousins les singes, nous rappelant ici l'origine animale de notre humanité. Nos lointaines origines couvrent les 7 derniers millions d'années de la Terre, peut-être même un peu plus, 10 millions d'années. Ce soir, nous tenterons d'aborder ces lointaines origines tout en évitant le strict académisme avec Sylvestre Huet, Bruno Moreille. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, Sylvestre Huet, vous n'êtes pas préhistorien ou paléoanthropologue, mais œuvrez depuis plus de 30 ans autour de l'information scientifique et environnementale. On se souvient de votre livre sur le célèbre climato-sceptique. Longtemps journaliste à Libération, votre blog Science au carré est désormais sur la plateforme du Monde. Directeur de recherche au CNRS, paléoanthropologue biologique, Bruno Moreille, vous êtes spécialiste de l'histoire du peuplement de l'ancien monde. En compagnie de José Braga, Claudine Cohen et Nicolas Tessandier, vous venez de publier « Origine de l'humanité, les nouveaux scénarios » aux éditions La Ville Brûle. Sylvestre Huet, quelle est la place de l'archéologie et de l'anthropologie au sein du monde scientifique? Les enjeux ne sont-ils pas à la fois considérables comme dérisoires? Si l'on mesure au nombre de postes et au crédit, effectivement, on peut considérer que cette place est toute petite. Si l'on se pose la question autrement au regard de l'humanité et des questions qu'elle se pose aujourd'hui, elle pourrait être considérable. Ainsi, au nom de quoi agissons-nous envers nos semblables? Au nom de quoi traitons-nous nos voisins en amis ou en ennemis? Au nom de quoi allons-nous accueillir les réfugiés des guerres du Moyen-Orient ou les laisser sombrer dans les abysses de la Méditerranée? C'est à ce genre de questions que sont reliées les sciences de l'évolution de l'homme, l'anthropologie, tant biologique que culturelle. Et il est donc tout à fait décisif de saisir ce qu'elles peuvent apporter à la réflexion des êtres humains en général, des responsables politiques aussi, des gens qui s'engagent dans l'action citoyenne pour rendre la société meilleure. Et d'ailleurs, on peut observer que dans l'histoire même de cette discipline, et notamment dès que le grand Charles Darwin a extirpé cette question de l'origine de l'homme de sa gangue mythologique et religieuse, les débats ont été particulièrement virulents sur les résultats et ce qu'il fallait en penser. Charles Darwin, bien sûr, nous y reviendrons. Pour un journaliste scientifique du Monde, cette discipline serait une des plus brutales, la plus violente du domaine scientifique. Qu'en pensez-vous, Sylvestre Huet? Je pense que cette brutalité est partagée par d'autres domaines où la compétition est exacerbée par les méthodes nouvelles de management de la science voulues par les responsables politiques. Mais disons que dans cette affaire, le simple fait que l'objet de la discipline soit l'homme et donc l'acteur lui-même de la recherche ne peut manquer d'aiguiser les volontés de faire triompher ses propositions, ce qui est l'objet naturel de l'activité d'un scientifique qui doit d'abord convaincre ses pairs que c'est lui qui a raison et non pas le laboratoire d'à côté. Mais c'est aussi exacerbé par l'usage que de nombreux régimes politiques font des résultats de l'anthropologie, de la préhistoire ou de l'histoire. On connaît ça très bien en Europe et il y a des exemples absolument dramatiques au milieu du XXe siècle. Et puis enfin, il faut bien avouer que le fait que les gouvernements n'accordent que assez peu de crédits et de postes à cette discipline naturellement exacerbent la compétition pour les obtenir et donc ne favorisent pas toujours la coopération entre les scientifiques. Bien sûr, l'archéologie, l'anthropologie, l'ethnologie, l'anthropologie biologique travaillent forcément sur l'homme, mais les chercheurs ne produisent que de l'article, on pourrait dire rien si ce n'est justement quelque chose pour le regard d'autrui. Ils produisent des idées qui se répandent, certes par des articles, mais les articles scientifiques ne sont lus que par les scientifiques et quelques journalistes hyper spécialisés. En revanche, ces idées se répandent par des livres qui sont destinés au grand public, comme celui que Bruno Morey m'a fait le plaisir d'écrire à travers un dialogue avec un préhistorien, une historienne des sciences et un anthropologue spécialiste de la biologie humaine et de la paléo-anthropologie. Ces idées donc peuvent arriver au très grand public par des productions culturelles, du cinéma, des chansons, du théâtre, et elles peuvent ancrer dans les têtes des idées qui peuvent être positives pour l'évolution de l'humanité ou négatives. Bruno Morey, que pensez-vous de votre profession, de votre discipline ? Une discipline brutale ? Je dirais pas brutale, c'est une discipline complexe et Sylvestre a très bien résumé l'actuel environnement, je dirais, socio-économique difficile qui fait que nos champs disciplinaires, tous d'ailleurs, souffrent. Maintenant, nous sommes une petite communauté à l'échelle mondiale, on peut le regretter. Mais c'est aussi assez charmant parce que finalement, on se connaît tous. Moi, j'étais adolescent et je lisais des articles de Don Johanson et je ne pensais pas qu'un jour j'amènerais Don Johanson en Dordogne et que ça deviendrait un collègue ou un ami. Pareil avec d'autres collègues australiens, africains du Sud, américains du Sud. Donc je trouve que c'est un champ disciplinaire qui est beaucoup plus attachant que brutal. Bruno Morey, les paléo-anthropologues d'aujourd'hui sont les héritiers d'une science raciste. Nous nous étions d'ailleurs penchés il n'y a pas si longtemps sur l'anthropologie collaborationniste. Bruno Morey, y a-t-il une morale dans l'histoire de votre discipline ? Il y a certainement une morale à avoir quand on est un anthropologue, parce que, comme tu viens de le rappeler, une partie de notre histoire a porté et a aidé au développement de certaines théories racistes. Alors, à l'époque, il faut bien se dire que tous les anthropologues n'étaient pas des anthropologues racistes, que même certains qui étudiaient très précisément les races du passé telles qu'elles étaient définies à l'époque avec des outils méthodologiques qui ne sont plus les nôtres, n'ont pas été des collaborationnistes ou ont lutté contre, par exemple, le gouvernement français collaborationniste de l'époque. Maintenant, il y a cette partie de notre histoire qu'on ne peut pas renier, hein, qui accompagne le développement économique des pays occidentaux à la fin du 19e siècle et pendant, on va dire, la première moitié du 20e. Mais en même temps, c'est un champ disciplinaire, l'anthropologie biologique, l'archéologie, la préhistoire, qui a beaucoup réfléchi sur lui-même et qui a réussi à je dirais, bien évoluer relativement à d'autres champs disciplinaires qui entretiennent toujours une forme d'ambiguïté, je trouve. Certains politiques parlent encore de race. Quand les anthropologues ont-ils arrêté de parler de race ? Tu soulignes une partie complexe de la question, parce qu'il y a beaucoup d'anthropologues, par exemple aux États-Unis d'Amérique, qui discutent de l'existence des races humaines, qui peuvent aborder cette thématique scientifiquement sans rencontrer les mêmes problèmes, on va dire, un petit peu intellectuels qu'on peut avoir en France. En ce qui concerne la classe de nos politiques, qui malheureusement continue à surfer sur cette thématique-là pour des raisons qui, je pense, sont bien souvent plus démagogiques qu'autre chose, ça prouve leur très bas niveau. Sylvestre Rieu. La question est assez compliquée parce que pour lutter contre le racisme, les institutions, même le gouvernement, les hommes politiques, sont parfois conduits à utiliser ce terme de race. Et d'ailleurs, on le retrouve même dans des textes, quand on s'insurge, des textes qui prévoient de punir les gens responsables de discrimination raciale. Mais s'il y a une discrimination raciale, c'est qu'elle est fondée sur la race. Et ces textes ne peuvent pas s'engager dans une grande explication selon laquelle les races n'existent pas pour les anthropologues biologiques. D'une manière générale, ça montre qu'il y a un gros travail à faire sur le sens des mots. Et c'est notamment le travail de ceux qui sont en responsabilité de la vulgarisation de ces sciences envers le grand public. Donc vous, Sylvestre Huet. Notamment, oui. Aujourd'hui, l'idée de l'origine unique de l'homme est régulièrement avancée contre justement les racismes. Bruno Morail ? Alors, ça dépend ce que tu appelles homme. Si on considère effectivement que nous appartenons tous à la même espèce Homo sapiens, l'extraordinaire diversité phénotypique qui s'exprime actuellement sur la Terre permet effectivement de démontrer la relativité et l'inexistence de ces races humaines. Mais on peut aussi retourner l'argument et considérer que des personnes voient en Homo sapiens unique représentant des hommes anatomiquement modernes, l'espèce humaine qui aurait réussi à s'imposer sur la Terre et à remplacer toutes les autres qui ont existé. Donc c'est difficile, cette question-là, il n'est pas facile d'y répondre. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de mode actuellement. On serait tous africains, tout le monde le dit, en ce moment. Oui, mais... Aussi. Oui, tu as raison. Donc il n'y a qu'un homme, mais on serait tous africains. Un livre, d'ailleurs, vient de sortir sur le sujet. On est tous africains parce qu'effectivement, si tu regardes la variabilité génétique humaine actuelle, cette variabilité génétique présente une variabilité au niveau de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde qui montre que nous sommes probablement tous les descendants d'une population africaine qui a rencontré un succès évolutif qui a été inédit dans l'histoire de l'humanité et qui serait sorti du berceau africain aux alentours d'il y a 50 000 ans. Maintenant, on est tous africains avec 50 000 années d'évolution pour certaines lignées ou populations humaines dans des territoires non africains. On se heurte là à l'impossibilité d'exprimer une vérité complexe, qui est celle de l'évolution humaine, par un slogan publicitaire ou propagandiste. Non, on ne peut pas décrire ce que nous sommes avec une phrase de trois mots. Pour reprendre ce problème singulier de « nous sommes tous africains » ou d'une certaine manière, le génome que nous portons, pour l'essentiel, en majorité, proviendrait effectivement, selon les analyses des généticiens dont ce livre parle, d'une population d'origine africaine située peut-être il y a 50 000 ans. Mais autour de cette table, nous portons probablement tous un petit peu dans notre génome de celui des Néandertaliens qui vivaient en Europe il y a plus de 50 000 ans. 1 à 3%. Oui, et puis les études d'ADN anciens d'hommes en Roumanie, par exemple, qui remontent aussi à 50 000 ans, montrent que des hommes qu'on considère comme modernes, comme nous, allaient dans leur génome avoir jusqu'à 10% d'un génome de Néandertaliens. Donc oui, c'est vrai, le slogan est vrai, mais il est incomplet. Et finalement, ce qui est très frappant dans l'évolution de l'avancée des sciences de l'évolution de l'homme ces 15 dernières années, c'est l'accumulation de découvertes aussi bien dans le registre fossile, aussi bien dans l'interprétation ou la réinterprétation d'artefacts laissés par ces hommes anciens qui montrent notamment que des activités symboliques qu'on attribuait de manière exclusive à Cro-Magnon, pour parler populaire, donc à l'homme moderne depuis quelques dizaines de milliers d'années seulement, en réalité, on peut s'observer beaucoup plus anciennement dans d'autres populations. Et puis, l'irruption de la génétique, le fait que, au prix d'efforts de laboratoire très minutieux, très longs, très difficiles, on a enfin réussi à séquencer le génome de Néandertaliens, le génome d'hommes préhistoriques anatomiquement modernes de 20 à 30 000 ans, a prouvé que la vision simpliste de l'évolution de l'homme que les premiers travaux de génétique avaient fait émerger, était fausse, qu'il fallait énormément la complexifier et avoir une vision beaucoup plus souple des relations, au sens on fait l'amour et on a des enfants et donc des descendants, entre toutes ces populations qui n'étaient pas séparées par des barrières étanches. Et ça, cette vision nouvelle de l'évolution de l'humanité, plus complexe que les slogans des premiers temps de la génétique, réclame pour être exposé au grand public un minimum de temps. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. En anthropologie, il y a le temps long, les millions d'années, et le temps court, la course effrénée à la publication. Pour cela, en 2015, une découverte en Afrique du Sud est un très bon exemple, Homo naledi. Homo naledi, effectivement. Une très belle découverte. Oui, c'est une découverte absolument extraordinaire, puisque dans cette cavité d'Afrique du Sud, on a les restes de plusieurs dizaines d'individus, de plusieurs classes d'âge, d'une ancienneté pour l'instant inconnue, mais on surfe probablement autour du million d'années, voire plus. Et on a des vestiges osseux exceptionnellement bien conservés. Tout ça a été très très bien mis en scène par Lieberger, qui est le directeur de l'équipe scientifique qui travaille sur Naledi, avec une approche complètement inédite qui, je pense, lui permettra d'obtenir les fonds qu'il a cherché à obtenir suite à cette découverte. Alors c'était très narratif, il y a une sorte de suspense autour de cette grotte Rising Star, c'est un beau nom d'ailleurs. On aurait éventuellement supposé même que Homo Naledi enterrait ses morts il y a 900 millions, voire 2 millions d'années. C'est une des hypothèses qui est proposée dans la publication scientifique de l'équipe de Lieberger, qu'il y aurait derrière cette concentration de restes humains, des gestes funéraires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Personnellement, je pense que pour l'instant, ce n'est pas du tout démontré, dans le sens où la complexité du système karstique, donc nous nous situons dans des grottes calcaires dolomitiques, qui sont fendues, qui sont cisaillées, qui ont été traversées par des rivières et qui ont creusé des chambres souterraines. Donc, il y a tout un système karstique qui reste à étudier pour savoir si effectivement l'entrée qui est supposée avoir été l'entrée ancienne et qui expliquerait que l'homme ait apporté les cadavres de certains de ses contemporains dans un endroit très reculé, sans trace de feu ni de lumière, qui donc pourrait traduire l'existence chez gestes funéraires. Il y a toute une analyse, pour moi, qui semble fragile et qui devra être complétée. Maintenant, si Lieberger et son équipe n'a pas tort, eh bien, ça démontrera que les hommes étaient capables, à une période probablement très ancienne de notre histoire, étant donné leur morphologie, de ce type de préoccupations symboliques. Et ce n'est pas non plus forcément quelque chose qui doit complètement nous surprendre. Dans cette affaire, on voit aussi à quel point la presse qui relate ces découvertes au grand public a du mal à résister à la tentation de raconter la trop belle histoire. C'est-à-dire à choisir dans ce qui est raconté par les scientifiques, ce qui sera le plus spectaculaire, le plus évocateur, le plus proche des préoccupations des gens, et donc à raconter des histoires qui, bien souvent, ne tiennent pas la durée. On verra bien ce qu'il en sera de cette affaire de gestes funéraires pour Homo naledi, mais il est clair que pour les auditeurs ou les lecteurs, ça peut être troublant d'entendre, à quelques années d'intervalle, des histoires très différentes à propos des mêmes objets. Par exemple, tout le monde se rappelle de l'histoire de ce hobbit, là, ce petit bonhomme qu'on avait trouvé sur l'île de Flores, et qui, au départ, avait été daté à 12 000 ans, pas plus, avant le présent. Et ça bousculait énormément de choses dans les représentations qu'on se faisait de l'évolution de l'homme à cette époque. Sauf qu'un retravail plus précis, plus minutieux de datation a repoussé cette date à 60 000 ans. Et donc toutes les théories qu'on a échafaudées sur ces 12 000 ans sont juste à mettre à la poubelle, sauf qu'on les a racontées en long, en large et en travers au grand public. Paulo Morey, on aurait même trouvé beaucoup plus vieux une sorte de petit personnage, un petit homme à 800 000 ans, aussi dans ces régions autour de Java. Oui, effectivement. C'est tout nouveau, sur la même île de Flores, dans une autre cavité. Des collègues, dont certains membres de l'équipe qui est à l'origine de la découverte de Flores, ont mis au jour des vestiges humains, dont un fragment de mandibule de toute petite dimension, qui serait âgé de près de 800 000 ans. Donc, j'ai pas totalement fini de lire ce papier. Je pense qu'il faut être peut-être un petit peu prudent sur les dates. Mais ça montre en tout cas toute l'ancienneté de l'histoire du peuplement de l'île de Flores. Et ça montre peut-être un phénomène de micro-évolution sur cette île à partir d'un homo qui est peut-être très ancien et qui est resté pour des raisons qu'on ignore de petite taille, voire même qui a vu sa taille peut-être diminuer. Parce que l'homme de Flores, même âgé de 60 000 ans, reste un individu dont la morphologie et la capacité crânienne sont des sortes d'énigmes pour les paléoanthropologues biologistes. En tout cas, un des grands débats porte sur la séparation de la lignée humaine et avec celle, bien sûr, des singes. On situe ça entre 5-7 millions d'années, voire bien plus, 10 millions d'années, c'est à peu près ça. Et là, visiblement, puisqu'on parlait de génétique à l'instant, la génétique se serait ratée. Oui, mais la génétique, c'est pas forcément raté dans le sens où la génétique, pour caler une partie de son horloge, pour essayer de discuter l'ancienneté de la séparation entre la lignée humaine et celle des chimpanzés, était obligée de prendre en considération les dates des découvertes paléoanthropologiques. Donc, effectivement, au milieu des années 90, les premiers travaux des paléogénéticiens publient des données en considérant que la séparation entre la lignée humaine et celle des chimpanzés est vieille de 5 millions d'années. Maintenant, avec les découvertes d'Aurorine par Brigitte Senu, de Sahelanthropus par Michel Brunet, où on est à 6-7, eh bien, nos collègues paléogénéticiens, généticiens des populations, pensent que cette séparation entre ces deux lignées doit s'inscrire dans une période qui est entre 7 et 10 millions d'années. Je rappelle pour les auditeurs de France Culture que nous évoquons les origines de l'humanité avec Bruno Morail, paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS, et Sylvestre Huet, journaliste, bien sûr, scientifique. Quoi qu'il en soit, vaut-il mieux trouver un crâne d'homininé qu'un crâne de singe? Les pongidés ne travaillent-on pas trop, justement, sur nos ancêtres au détriment des autres ancêtres des primates? Ben, si Michel Brunet était à ma place, il te dirait oui, bien sûr, avec sa voix caractéristique. Oui, bien sûr. Et en même temps, je pense que ces restes de vieux primates sont peut-être beaucoup plus difficiles à trouver parce que, malgré tout, ces groupes de primates sont restés inféodés à des environnements qui sont des environnements équatoriaux de forêt vierge, où les conditions de conservation et de fossilisation du matériel sont beaucoup plus difficiles. Donc cette recherche sur ces très vieux primates est menée par plusieurs équipes, celle de Michel Brunet, qui va même en chercher dans des territoires très inattendus. Il a fait ça pendant plus de 20 années de sa vie, Brigitte Senu, l'Antarctique, voilà. Et d'autres, Gégère, plein de collègues, cherchent ces vieux primates. Il y a une belle dynamique. Bon, pour l'instant, on ne les a pas forcément tous trouvés, ou alors on ne les a pas reconnus. Sylvain Sruet. Il y a tout de même une petite suspicion dans cette affaire. Bien évidemment, pour un chercheur, publier un ancêtre de l'homme, de nous, c'est plus payant que de publier un ancêtre des gorilles et des chimpanzés. Ça, c'est un premier élément. Il y en a un deuxième plus profond qui est lié à l'évolution des idées sur l'origine de ces trois espèces, l'homme actuel et nos grands cousins, gorilles, chimpanzés, bonobos. L'idée, c'est que, comme il a été fait de la bipédie, l'une des caractéristiques de l'homme, souvent, les chercheurs ont considéré que dès lors qu'il y avait une bipédie plus ou moins assurée chez un fossile, alors ça voulait dire qu'il fallait le rattacher à la lignée qui conduit à nous. Mais les gorilles et les chimpanzés ne sont pas moins évolués par rapport à l'ancêtre commun qu'ils partagent avec nous que nous. Au nom de quoi seraient-ils restés les mêmes? Et donc on peut parfaitement imaginer que sur la lignée qui conduit aux chimpanzés et aux gorilles, on ait des espèces qui soient plus bipèdes que les chimpanzés et les gorilles. Bruno Morail, les découvertes, bien sûr, s'accélèrent. La création de nouvelles espèces ne brouille-t-elle pas notre vision de l'évolution et de l'évolution de l'homme? On peut considérer que, effectivement, cette idée de vouloir à tout prix créer une nouvelle espèce quand on est en présence d'un nouveau fossile qui ressemble pas à ce qu'on connaît à la même période, ou ce qu'on connaît avant ou ce qu'on connaît après, peut brouiller certaines des raisonnements. J'ai trouvé très intéressant l'article qui avait été publié par notre collègue David Dorkipanidze en Géorgie sur la diversité des fossiles de Dmanisi, vieux de près de 2 millions d'années, 1,8, qui sont les plus anciens eurasiatiques que l'on connaisse, et où il a très clairement montré que sur ce groupe d'individus, on a 5 crânes avec des mandibules, c'est le plus bel échantillon de fossiles humains connus de l'ancien monde pour cette période-là, que si plusieurs de ces pièces avaient été trouvées séparément dans des endroits différents de la Terre, on aurait probablement créé plein d'espèces différentes. Donc cette variabilité très forte qui existait chez nos lointains ancêtres est toujours très mal connue et très très mal appréciée. D'ailleurs, il avait proposé qu'on arrête de dénommer tous ces genres homo. Il avait proposé de supprimer les noms. Tout à fait. Il avait même dit pourquoi on n'appellerait pas ça tous ces fossiles-là homo erectus, parce que pour un certain nombre de traits, ils pouvaient se rapprocher des homo erectus. Et moi, je suis un ardent défenseur de cette hypothèse-là, puisque moi-même, dans ma thèse, il y a plein d'années, je considérais qu'il fallait appeler beaucoup de fossiles homo sapiens. Faut-il d'ailleurs voir dans ces hommes de Manissi les ancêtres des sapiens, Néandertal ou sapiens? Alors ça, on ne sait pas, parce que malgré tout... C'est une question pour le corps, tout ça. On ne sait pas, parce qu'effectivement, on peut considérer qu'entre de Manissi vieux de 1,8 et les premières données paléoanthropologiques qui nous permettent de penser qu'on est en présence morphologiquement d'un Homo sapiens, donc ce sont des fossiles qui ont 250 000 ans, ou 220 000, ou voire moins, pour ceux qui sont les plus incontestables, il y a une très très longue période de temps. Mais pourquoi, effectivement, ne pas supposer que, à partir du moment où l'homme est sorti du berceau africain, il y a eu toujours suffisamment d'échanges génétiques entre les populations humaines pour qu'aucune ne subisse un isolement tel qu'on aurait eu un phénomène de spéciation. Dans ce cas-là, tous ces fossiles peuvent être classés dans l'espèce Homo sapiens. Sylvestre Ruet, en anthropologie, n'y a-t-il pas nécessité de créer un récit petit ou grand, par ailleurs ? D'un point de vue disciplinaire, oui, puisque c'est une science historique qui ambitionne justement de reconstituer l'histoire réelle des espèces qui nous ont précédés et dont nous sommes issus. Et donc l'ambition de tout paléo-anthropologue, de tout préhistorien, c'est de retrouver cette histoire et de la raconter. En outre, le rôle social que joue cette discipline, c'est justement de remplacer d'une certaine manière les récits mythologiques et religieux par un récit scientifique. Le problème, c'est que autant quand on écrit la Bible ou n'importe quel mythe, eh bien, il suffit de faire appel à son imagination. Et donc, on peut raconter un récit complet avec un début, une fin et un milieu et tous les épisodes que l'on veut. En science, on est censé ne raconter que ce qu'on trouve réellement. Et donc la contradiction éclate parce que finalement la société demande aux préhistoriens, aux paléanthropologues une chose qu'ils ne peuvent donner. Et puis parfois les paléanthropologues et les préhistoriens ont tout de même envie aussi de raconter un récit complet et de combler les lacunes documentaires par de l'imagination ou de la spéculation intellectuelle, comme on veut. En tout cas, il y a des belles histoires. Lucy in the Sky, les enfants, bien sûr, de Lascaux, Maria et la grotte d'Altamira, le fils de Lieberger, Matthew, découvreur de Sébiba, et puis enfin, la résurrection d'Abel. On pourrait en citer beaucoup. N'y a-t-il pas aujourd'hui une difficulté croissante à parler de l'évolution humaine, la science et le naturalisme versus la religion et le créationnisme ? Difficulté croissante, je ne sais pas, parce que malgré tout, c'est un domaine qui rencontre un grand succès médiatique. Il n'est pas trop difficile, finalement, quand on a une belle découverte scientifique, qu'elle soit archéologique ou paléoanthropologique, d'avoir une audience médiatique. On en parle dans les journaux, ça plaît aux gens, ça parle de nous et de notre origine, c'est normal, ça parle de ce dont nous sommes issus. Donc, à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas forcément la pire des situations. Et en tant que chercheur, le créationnisme, vous voyez les choses pointer ? Ce qui se passe en ce moment est beaucoup plus dangereux, effectivement, parce que il y a une recrudescence pratiquement tous les ans. On voit sortir des ouvrages qui sont pas forcément des ouvrages typiques comme on peut les connaître avec les tenants de l'intelligent design, mais qui associe une philosophie religieuse catholique avec des collègues préhistoriens, voire paléoanthropologue, qui n'hésite pas à aller sur un champ qui, pour moi, ne doit pas être celui de la science. Jusqu'au Musée de l'Homme ? Jusqu'au Musée de l'Homme et jusqu'actuellement dans la boutique du Musée de l'Homme, avec un livre qui est vendu dans la boutique à côté de celui que nous avons copublié avec José, Claudine et Nicolas et qui s'appelle « Sur les chemins de l'humanité ». Je rappelle le titre de votre ouvrage « Origine de l'humanité, les nouveaux scénarios » paru à La Ville Brûle. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pascal Bénard et Cédric Chatelus, avec la contribution de Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se consacrera à une loi pour l'archéologie et passée inaperçue, celle du 7 juillet.